Attention, devant ça freine. Et sur autoroute, cela peut devenir rapidement un problème grave. Il est toujours intéressant de savoir à l'avance qu'une difficulté existe. Je mets les feux de détresse pour indiquer aux usagers qui me suivent qu'un ralentissement important se produit. Pour améliorer ma sécurité, je pourrais me placer à gauche où il y a plus de place. Mais il ne faut pas agir en créant une situation à risque. Une voiture me dépasse, je n'ai pas à la gêner. Je freine, et quand elle m'aura dépassé, je déciderai s'il est toujours utile d'aller à gauche. Réponse A et D.